La plaine des araignées par H.G. Wells. Vers midi, à un coude formé par le lit du torrent, les trois chasseurs débouchèrent soudain en vue d'une vaste plaine. La tranchée sinueuse et rocailleuse par laquelle ils avaient si longtemps et péniblement poursuivi la trace des fugitifs s'ouvrait sur une large rampe. Cédant à la même impulsion, les trois hommes quittèrent la piste et chevauchèrent vers un monticule couronné d'arbres au feuillage vert sombre. Là, ils firent halte, l'homme à l'abri d'un crusté d'argent en tête, les deux autres un peu en arrière ainsi qu'il convenait. Pendant quelque temps, ils scrutèrent d'un œil avide l'immense plaine qui s'étalait devant eux et s'enfuyait dans le lointain. Cette désolante étendue d'herbes jaunies n'était rompue çà et là que par de rares touffes de buissons épineux et secs, et par la vague délinéation de quelques ravines maintenant taries. La surface cuivrée allait se perdre sur les flancs bleuâtres de collines plus lointaines encore. Collines d'un vert plus vif, semblait-il, que dominaient les cimes neigeuses de montagnes sans base visible, comme suspendues dans l'azur du ciel, et s'échelonnant plus puissantes et plus audacieuses vers le nord-ouest, où la plaine se refermait. À l'ouest, la vallée s'élargissait jusqu'à l'horizon, marquée dans l'éloignement par la tache sombre des forêts. Mais les trois hommes ne regardaient ni à l'est ni à l'ouest, ils sondaient obstinément la plaine. Le cavalier maigre, à la lèvre balafrée, rompit le silence. « Rien, » soupira-t-il, désappointé. « Mais après tout, ils avaient une journée d'avance. »« Ils ne savent pas que nous courons après eux, » dit le petit homme qui montait le cheval blanc. « Elle doit bien le supposer, elle, » observa le chef, aigrement, et comme à part lui. « Même alors, ils ne peuvent pas aller vite. Ils n'ont pas d'autre monture que la mule, et toute la journée, la jeune fille a saigné du pied. » L'homme à l'abri d'argent lui lança un regard chargé de fureur. « Crois-tu que je ne l'ai pas remarqué ? » fit-il dans un ricanement. « Ça peut servir en tout cas, » murmura en aparté le petit homme. Le maigre, à la lèvre balafrée, continuait, impassible, à scruter l'étendue. « Ils n'ont certainement pas eu le temps de franchir la plaine, » assura-t-il. « Sinon trottons ferme. » Mais jetant un coup d'œil sur le cheval blanc, il ne l'acheva pas. « Le diable emporte les chevaux blancs !» grommela le cavalier à la bride d'argent. Il se retourna pour toiser la bête, objet de sa malédiction. Le petit homme, baissant les yeux, regarda entre les oreilles de sa mélancolique monture. « J'ai fait de mon mieux, » s'excusa-t-il. Les deux autres se remirent à inspecter la plaine. Le maigre passa le revers de sa main sur sa lèvre balafrée. « En route !» commanda soudain le chef. Le petit homme sursauta, tira sur ses rênes, et les trois chasseurs regagnèrent la piste à travers l'herbe flétrie qui bruissait à peine sous le piétinement multiple du sabot des chevaux. Ils descendirent avec précaution la longue et aride déclivité, et par les buissons tordus et épineux, les tiges moussues et sèches, aux formes étranges qui croissaient entre les rocs, ils atteignirent la vallée. Ici la piste devenait incertaine, car le sol était rarement apparent. Un épais tapis d'herbes desséchées et mortes le recouvrait. Toutefois, à force de regarder fixement, le cou tendu sur celui des chevaux, à force de s'arrêter à chaque pas, ses visages pâles réussirent à suivre leur proie. Ils relevaient des foulées, des brins d'herbe couchés et cassés, et de temps à autre, l'empreinte d'un pied se laissait deviner. Une fois même, le chef vit une tache de sang qui dénonçait le passage de la jeune métisse et alors, entre ses dents, il la traita d'imbécile. Le maigre contrôlait les observations de son chef. Le petit homme sur son cheval blanc les suivait, perdu dans un rêve. Il chevauchait la file indienne, le cavalier à la bride d'argent en tête, et n'échangeait pas une parole. Au bout d'un moment, le petit homme eut cette impression que le monde était bien calme, ce qui le tira brusquement de son rêve. À part le léger cliquetis de leur équipement et des harnais de leurs chevaux, c'était dans la grande plaine tout entière le morne repos d'une nature morte. Devant lui, cheminaient son maître et son compagnon, l'un et l'autre penchés à gauche sur l'encolure de leur bête et balancés en cadence selon l'allure. Leurs ombres les précédaient, silhouettes effilées, compagnes tranquilles et silencieuses. Plus près, cette forme rampante et froide, c'était son ombre à lui. Il promena son regard sur les alentours. Que s'était-il donc produit ? Il songea alors à la réverbération projetée par les arêtes de la montagne, puis au craquement continu des cailloux heurtés et poussés. Quoi encore ? Pas un souffle d'air, c'était cela ! Quelle terre vaste et silencieuse, dans la monotone somnolence de l'après-midi ! Le ciel s'étalait, sinistre et vide, à l'exception d'un sombre voile de brume qui s'était formé dans le haut de la vallée. Il redressa l'échine, tirailla sur sa bride, arrondit ses lèvres comme pour siffler, et ne put que soupirer. Il se retourna un moment sur sa selle et fixa la déchirure du défilé par lequel ils étaient venus. Rien, des pentes mornes de chaque côté, mais rien qui révélât un arbre, un animal quelconque, encore bien moins une créature humaine. Quel pays, quel désert! Il retomba dans son attitude première. Il éprouva une seconde plaisir à la vue d'un bâton tordu, noir-pourpre, qui étincela soudain et s'évanouit dans l'épaisseur du tapis brun. C'était une vipère. Après tout, l'infernale vallée était donc vivante. Puis, et cela le réjouit davantage encore, un léger souffle vint lui frôler la face, un murmure s'éleva et passa. Sur un monticule, un buisson courba imperceptiblement ses bras noirs et rigides. Les premiers symptômes d'une brise possible. Nonchalamment, il mouilla son doigt et le tint en l'air. D'un coup sec, il tira sur les rênes pour éviter une collision avec le maigre qui s'était arrêté en défaut sur la piste. Juste à ce moment d'inattention, il perçut l'œil du maître braqué sur lui. Pendant quelque temps, après cela, il s'efforça de s'intéresser à la poursuite. Puis, comme ils avaient repris leur marche, il examina l'ombre de son chef, son chapeau, son épaule, qui apparaissait et disparaissait derrière la silhouette plus proche du maigre. Depuis 4 jours qu'ils avaient franchi les confins du monde habité, ils chevauchaient, trouvant à peine assez d'eau pour se désaltérer, munis seulement d'une tablette de viande sèche sous leur selle, à travers roches et montagnes, sur cette terre de désolation où certainement jamais personne ne s'était aventuré avant les fugitifs. Et pourquoi ? Tout cela pour une fille, une simple enfant capricieuse. Et cet homme avait à discrétion, pour satisfaire ses plus vils désirs, des populations entières de filles et de femmes. Pourquoi sa folle passion avait-elle choisi celle-ci entre toutes ? Se demandait le petit homme indigné, en passant sur ses lèvres desséchées une langue noircie par la soif. C'était bien là son maître, pas d'autre explication. Tout simplement parce qu'elle cherchait à lui échapper. Son œil s'arrêta sur toute une rangée de hautes tiges empanachées qui s'inclinaient avec ensemble. Puis, les pans de l'écharpe soyeuse qui lui flottait sur le cou claquèrent. La brise devenait plus forte, arrachant le voile d'immobilité qui figeait les choses, et c'était tant mieux. « Eh oh !» cria le maigre. Les 3 hommes s'arrêtèrent d'un coup. « Eh bien ? » demanda le chef. « Qu'y a-t-il » « Là-bas !» fit le maigre, désignant le fond de la plaine. « Quoi ? » « Quelque chose qui vient sur nous. » Comme il parlait, un animal fauve émergea sur une crête et descendit vers eux à fond de train. C'était un gros chien sauvage. Il courait devant la brise, la langue pendante, l'allure régulière, droit au but, et s'y absorbait qu'il ne semblait pas voir les cavaliers sur lesquels il avançait. Il allait, le nez en l'air, et il paraissait évident qu'il ne suivait ni une piste ni une proie. Comme il approchait, le petit homme mit la main à l'épée. « Il est enragé !» dit le maigre. « Poussons des cris !» conseilla le petit homme, et il cria. Le chien galopait toujours. Le petit homme avait déjà dégainé, quand l'animal se jeta de côté et passa, haletant. Le petit homme le suivit des yeux, fuyant toujours. « Il n'avait pas d'écume à la gueule » observa-t-il. Quelques minutes, le cavalier à la bride d'argent examina le fond de la plaine. « En route !» s'écria-t-il enfin. « Qu'importe !» et secouant les rênes, il remit son cheval en marche. Le petit homme, laissant là cet insoluble mystère d'un chien qui ne fuyait rien d'autre que le vent, se plongea dans une profonde méditation sur la nature humaine. « En route » murmura-t-il à part lui. Pourquoi a-t-il donné à un homme de dire « en route » avec cette incroyable puissance de commandement ? Toujours, durant toute sa vie, l'homme à la bride d'argent a parlé ainsi. « Si moi, je disais ces mots » rumina le petit homme. Mais l'idée de désobéir au maître, même dans ses plus fantastiques caprices, dépassait l'imagination. Pour lui, pour tout le monde, cette jeune fille était folle, presque sacrilège. Par comparaison, sa pensée se reporta sur le maigre à la lèvre balafrée. Aussi vigoureux que le maître, celui-là aussi brave, peut-être même plus brave, et pourtant, son sort était d'obéir toujours, aveuglément, passionnément. Certaines sensations des mains et des genoux ramenèrent le petit homme à des réalités plus immédiates. Il surveilla sa bête et vint se ranger près de son maigre compagnon. « Avez-vous remarqué comme les chevaux s'agitent ? » questionna-t-il à mi-voix. La face maigre se fit interrogatrice. « Ce vent ne leur dit rien de bon, » ajouta le petit homme. mais comme le cavalier à l'abri d'argent se tournait vers lui, il reprit sa place à l'arrière. « Bah, ça ne fait rien, » proféra la face maigre. Ils continuèrent à chevaucher quelque temps en silence. Les deux premiers allaient, penchés sur la piste, le dernier surveillait le brouillard qui envahissait la vaste plaine, rampant de plus en plus proche, et il constatait que le vent gagnait en force à chaque minute. Au loin, sur la gauche, il vit une ligne de masse sombre, des sangliers sans doute, qui descendaient la plaine au galop, mais il s'abstint de les signaler comme de risquer de nouveaux avertissements sur l'inquiétude des montures. Il aperçut une grande boule blanche lustrée, puis deux, puis trois, pareille au duvet d'une gigantesque tête de chardon qui flottait, chassée par le vent, en travers de la piste. Ces boules planaient très haut dans les airs. Elles tombaient soudain, se relevaient et se balançaient un instant, puis, redoublant de vitesse, disparaissaient. Leur vue augmentait l'agitation des chevaux. Tout de suite après, il observa que beaucoup de ces globérants, dont le nombre croissait rapidement, descendaient la vallée, accourant vers eux, très vite. Un cri perçant se fit entendre. Un énorme sanglier traversait la piste à fond de train. Un instant, il tourna la tête vers les cavaliers, les épia, puis reprit sa course vers le fond de la vallée. Ce que voyant, les trois hommes s'arrêtèrent et se dressèrent sur leurs selles, le regard tendu vers le brouillard, toujours plus épais, qui venait sur eux. « Sans ce duvet de chardon ?» commença le chef. Mais voilà qu'une grosse boule flottante tournoya à une vingtaine de pas d'eux. En réalité, ce n'était pas une sphère régulière, mais quelque chose d'énorme, moelleux, anguleux, filandreux, comme une toile blanche nouée par les coins, une méduse aérienne, pourrait-on dire, qui s'avançait en roulant sur elle-même et en remorquant dans son sillage une longue traînée de rayons et de fils de toile d'araignée. « Ce n'est pas du duvet de chardon, » opina le petit homme. « Ça ne me dit rien qui vaille, » reprit le maigre, et ils se regardèrent. « Malédiction !» cria le chef. « L'air en est plein là-haut. Si ça dure longtemps de ce train-là, nous serons bientôt complètement arrêtés. » Instinctivement, comme une troupe de daims prend position à l'approche de quelque objet douteux, ils tournèrent leurs chevaux au vent, firent quelques pas et considérèrent ces masses flottantes qui s'avançaient innombrables. Elles venaient, poussées par la brise, rapides mais sans secousse, s'élevant et s'abaissant sans bruit, tombant à terre, rebondissant bien haut, planant, tout cela d'un mouvement parfaitement uniforme, avec une assurance calme et résolue. À droite et à gauche des cavaliers, les éclaireurs de cette étrange armée défilèrent, et comme l'un d'eux roulait sur le sol, s'y brisait, amorphe, laissant une traînée rétive de longs rubans et de filaments agressifs, les trois chevaux commencèrent à prendre peur et à s'ébrouer. Une impatience soudaine, irraisonnée, s'empara du chef, qui maudit de toutes ses forces les boules flottantes. « En avant » cria-t-il, « en avant ! Que nous apportent ces machines ? Qu'est-ce que cela peut nous faire ? Reprenons la piste !» Il se mit à jurer contre son cheval, lui sciant la bouche avec le mort. Sa fureur éclatait, bruyante, il clamait « Je veux suivre cette piste, entendez-vous ? Où est la piste ?» Il empoigna la bride de son cheval qui caracolait et se mit à chercher dans l'herbe. Un fil, long et collant, lui tomba en travers de la figure. Une vrille grisâtre s'enroula autour du bras qui tenait la bride. Quelque chose de gros, de remuant, avec quantité de jambes, lui descendit derrière la tête. Il leva les yeux et découvrit l'une de ces masses grises, à l'ancre, pour ainsi dire, au-dessus de lui, au moyen de ses filaments, et agitant ses extrémités, comme claque la voile d'un bateau qui vire sans bruit. Il eut la sensation d'un foisonnement d'yeux, d'un équipage nombreux de corps accroupis, de membres allongés, aux multiples articulations, qui tiraient sur les amarres pour aller jusqu'à lui cette chose. Il tint les yeux levés quelques instants, gouvernant d'instinct son cheval cabré, avec la maîtrise d'un cavalier rompu dès longtemps à l'équitation. Alors, le plat d'un sabre s'abattit sur son dos, l'acier étincela au-dessus de sa tête, tranchant et détachant la boule flottante, et la masse entière, se soulevant doucement, s'écarta et s'envola. « Des araignées !» s'écria une voix, celle du maigre. « Ces machines sont pleines de grosses araignées, seigneur, regardez !» Le chef se surprit, considérant quelque chose de rouge, écrasé sur le sol, qui continuait, quoiqu'à moitié détruit, à tordre ses membres impuissants. Mais quand le maigre indiqua une autre masse qui se précipitait sur eux, vite, il tira son épée. Au bout de la vallée, on voyait maintenant comme un mur de brouillard déchiré et déchiqueté. Il essaya de se rendre compte de la situation. « Courons dessus !» hurlait le petit homme. « Courons dessus !» Il se produisit alors une confusion pareille à une mêlée de combats. Le chef vit le petit homme passer près de lui, pourfendant furieusement d'imaginaires toiles d'araignée. Il le vit lancer comme un boulet contre le cheval du maigre et jetant par terre bête et cavalier. Sa propre monture fit une douzaine de pas avant qu'il pût la maîtriser. Il leva les yeux pour éviter d'illusoires dangers, puis se retourna pour voir le cheval culbuté qui se roulait sur le sol, et par-dessus, le maigre, debout, sabrant une masse grise, déchirée, grouillante, qui se coulait et s'entortillait autour des deux corps. Et les énormes toiles d'araignée s'avançaient, épaisses et rapides, comme un duvet de chardon sur un champ inculte, poussé par le vent de juillet. Le petit homme avait mis pied à terre, mais sans oser lâcher la gourmette. D'un bras, il luttait pour amener la bête rétive, tandis que de l'autre, il brandissait son épée au hasard. Les tentacules d'une deuxième masse grise s'agrippèrent sur le maigre et sur l'animal à terre, et lentement, la masse entière s'abattit sur cette proie. Le chef grinça des dents, empoigna sa bride et, baissant la tête, lança son pur sang en avant à coups d'éperon. Le cheval qui se roula à terre se retourna. Il avait sur ses flancs du sang et des formes mouvantes. Le maigre l'abandonna soudain et accourut vers son maître. Il franchit une courte distance, mais ses jambes étaient entortillées et empêtrées dans les filaments. Il essaya avec son sabre quelques mouvements impuissants. Des vrilles grisâtres pendaient de ses membres. Un mince voile gris lui barrait la face. De sa main gauche, il frappa quelque chose sur son corps, puis, tout à coup, il trébucha et tomba. Il lutta pour se relever, chancela, et soudain, il se mit à hurler épouvantablement. Le chef put voir les grosses araignées s'amasser sur le malheureux, et d'autres encore descendre à terre. Comme il s'efforçait de pousser sa monture vers cette forme grise, qui gesticulait et hurlait, se soulevant et retombant, il perçut un bruit de sabots. Le petit homme, l'arme au fourreau, couchant de travers du cheval blanc, essayait de se mettre en selle. Cramponné à la crinière, il passa comme un tourbillon. De nouveau, un fil collant de mousseline grise vint se planter sur le visage du chef. Tout autour de lui, au-dessus de lui, ce nuage d'araignées, flottant, silencieux, semblait vouloir l'encercler et l'enserrer de plus en plus. Jusqu'à son dernier jour, il ignora ce qui s'était passé exactement à cette minute. Fit-il vraiment faire demi-tour à son cheval, ou le cheval se lança-t-il lui-même sur les traces de son compagnon? Toujours est-il qu'une seconde plus tard, il descendait la vallée à fond de train, exécutant avec son sabre de furieux moulinet. Et tout autour de lui, porté par la brise de plus en plus rapide, les ballons araignées, les nèvres aériennes, les toiles gonflées lui semblaient se précipiter vers un but précis. Le cavalier à la bride d'argent chevauchait, sans souci de la direction, l'épouvante au visage, regardant tantôt à droite, tantôt à gauche, le bras et le sabre prêts à frapper. À quelques centaines de mètres en avant, un lambeau déchiqueté accroché derrière lui, le petit homme, qui n'avait pu se remettre complètement en selle, galopait sur son cheval blanc. Les roseaux se courbaient devant eux, il soufflait un vent frais et violent, et en se retournant, le chef pouvait voir les araignées qui redoublaient de vitesse pour les atteindre. Uniquement préoccupé d'échapper au monstre, ce n'est qu'au moment où son cheval se ramassait pour sauter qu'il découvrit le vide devant ses pas, et il ne s'en aperçut que pour se tromper et faire un faux mouvement. Comme il était penché en avant sur le cou de sa monture, il se redressa et se jeta en arrière, mais trop tard. Pourtant, si, dans son trouble, il n'avait pas su mener le saut, du moins n'avait-il pas oublié comment il faut tomber. Projeté en l'air, il resta un cavalier accompli et se retrouva à terre avec une simple meurtrissure à l'épaule. Son cheval tournoya, battant convulsivement des quatre pieds, puis s'étala immobile. Son épée vint se planter dans le sol durci et se cassa net en deux, comme si la fortune ne voulait plus de lui pour chevalier servant, et l'un des deux tronçons lui passa un pouce du visage. En un instant, il fut sur pied, examinant, plein d'anxiété, l'étoile d'araignée qui accourait. Il eut un moment l'idée de fuir, mais se souvenant du rabbin, il fit demi-tour. Une fois, il dut se jeter de côté pour éviter une de ces horreurs volantes. Puis, il dégringola avec agilité les pentes abruptes, hors d'atteinte de la rafale. Là, abrité par les talus escarpés du torrent desséché, Ils pourraient se blottir et surveiller en sécurité le passage de ces étranges masses grises, jusqu'à ce que le vent, en se calmant, lui permît de s'échapper. Longtemps il resta accroupi, guettant les étranges masses grises déchiquetées qui traînaient leur vrille à travers l'étroite bande de ciel au-dessus de sa tête. Une araignée égarée vint s'abattre tout près de lui. Elle mesurait bien un pied d'une patte à l'autre. Le corps était gros comme la moitié d'une main d'homme. Il la regarda un instant. Effroyablement active, elle cherchait par où s'échapper, essayant même de s'attaquer à l'épée brisée. Il leva sa botte en sacrant et, du talon ferré, la réduisit en bouillie. Durant quelques minutes, il jeta les yeux autour de lui pour en découvrir une autre. Mais bientôt, assuré que ses essaims d'araignée ne pourraient pas descendre dans la tranchée, il trouva une place propice où il s'assit et tomba dans une profonde méditation, mordillant à son habitude les jointures de ses doigts et rongeant ses ongles. Il en fut arraché par l'arrivée de l'homme au cheval blanc. Bien avant de rien voir, il entendit un piétinement de sabots, un bruissement de pieds et une voix réconfortante. Le petit homme parut, lamentable vision, traînant encore derrière lui quelques éphiloques. Ils s'approchèrent l'un de l'autre sans un mot, sans une salutation. L'homme s'arrêta enfin en face de son maître qui frémit sous le regard du subordonné. « Eh bien » fit-il enfin d'une voix dénouée de toute autorité. « Vous l'avez abandonné. Mon cheval a pris le mort aux dents. Je sais, le mien aussi. » Il ricanait, mais sans guetter. « Je te dis que mon cheval a pris le mort aux dents, » répéta l'homme qui avait eu une bride incrustée d'argent. « Nous sommes deux lâches, » fit le petit homme. L'autre réfléchit quelques minutes, tout en mordant les jointures de ses doigts, et sans quitter des yeux son inférieur. « Ne me traite pas de lâche, » reprit-il enfin. « Vous êtes un lâche, tout comme moi. Un lâche soit, car il y a une limite à la bravoure de tout homme, et cette limite, je l'ai enfin connue. » Mais pas comme toi, et c'est ce qui fait la différence. Jamais je n'aurais pu imaginer que vous l'abandonneriez. Il venait de vous sauver la vie 2 minutes avant. Pourquoi êtes-vous notre seigneur ? Le chef se remit à mordre ses jointures et son visage s'assombrit. Aucun homme ne me traitera impunément de lâche, proféra-t-il. Non, une épée brisée vaut mieux que rien. Un cheval blanc y parvint ne portera jamais 2 hommes pendant 4 jours. Je déteste les chevaux blancs, mais cette fois, il n'y a pas le choix. Tu commences à comprendre? Je pressens que, te basant sur ce que tu as vu et rêvé, tu te proposes de ternir ma réputation. Ce sont des individus de ton espèce qui détrônent les rois. D'ailleurs, je n'ai jamais pu te souffrir. Monseigneur, implora le petit homme. Non, non, reprit le chef. Et comme le petit homme bougeait, il se leva d'un coup. La durée d'une minute peut-être, ils restèrent ainsi les yeux dans les yeux. Au-dessus d'eux, les nefs diaphanes passaient, flottant à la dérive. Parmi les cailloux, il se fit un mouvement rapide, un trépignement de pieds, puis un cri de désespoir, un râle et un choc. Vers la fin du jour, le vent s'apaisa. Le soleil se coucha dans la calme sérénité du soir, et l'homme qui avait autrefois monté le pur sang à la bride d'argent sortit enfin du ravin avec beaucoup de précautions. Il conduisait maintenant par une pente douce le cheval blanc. Il aurait voulu revenir vers son coursier mort pour reprendre sa bride incrustée d'argent, mais il craignait que la nuit et une brise plus forte ne le surprissent encore dans la vallée. De plus, il supportait mal l'idée de retrouver la pauvre bête toute entortillée dans des toiles d'araignée et hideusement rongée. À la pensée de ces toiles, de tous les dangers auxquels il avait échappé de si étranges manières, sa main chercha un petit reliquaire suspendu à son cou, et il le pressa quelques instants, le cœur pénétré de reconnaissance. En même temps, son œil parcourait la plaine. « J'étais surexcité par la passion, » dit-il. « Maintenant, elle a trouvé sa récompense. » « Les araignées, sans doute, les ont aussi... » Mais voilà que de l'autre côté de la plaine, loin des pentes boisées, dans la limpidité du soleil couchant, il aperçut nettement, sans erreur possible, une petite colonne de fumée. À cette vue, sa résignation sereine fit place à une rage stupéfaite. De la fumée ? Il tourna la tête du cheval blanc qui hésita, car au même moment, un léger bruissement d'air passait dans l'herbe autour d'eux. Au loin, sur quelques roseaux, pendait une bande grise déchiquetée. Il regarda l'étoile d'araignée, puis la fumée. « Peut-être, après tout, n'est-ce pas eux ?» articula-t-il enfin. Mais il savait à quoi s'en tenir. Il resta quelque temps à considérer la fumée, puis sauta en selle. Tout en chevauchant, il traçait son chemin au milieu des épaves de toile volante. Il se trouva que, pour une cause quelconque, beaucoup d'araignées gisaient mortes sur le sol, et celles qui étaient vivantes se repaissaient criminellement de leurs compagnes, mais au bruit des sabots du cheval, elles s'enfuyaient. Une heure était passée, sur terre, sans un souffle pour les convoyer, et privés de leur linceul blanc, ces monstres, avec tout leur poison, ne pouvaient plus guère faire de mal. Il fouettait de sa ceinture celle qui lui semblait s'approcher de trop près. Une fois, comme plusieurs traversaient en groupe un endroit découvert, il eut envie de mettre pied à terre et de les écraser sous son talon. Mais il résista à la tentation. À chaque instant, il se retournait sur sa selle et regardait la colonne de fumée. « Des araignées !» murmurait-il sans cesse. « Des araignées !»« Bien, bien !»« La prochaine fois, moi aussi, je tisserai une toile. » Ainsi s'achève « La plaine des araignées » par H.G. Wells.